Paris, caravane et paye déjà loin. Et dors avec la et la porte derrière eux. Il y avait des signes de la paix de tous les coins. Et on parlait du Vietnam comme d'une maladie honteuse. J'enviais la triomphe du voisin d'en face. En cirant comme un fou, mon perfecto tout neuf. Je me jouais West Side Story devant la glace. Sans gémir mon jean qui refusait de vieillir. Je t'aimais, c'est fou comme je t'aimais, je t'aimais. C'est fou comme je t'aimais, je t'aimais. C'est fou comme je t'aimais. Pourquoi je suis parvenu à la 46e rue, je t'aimais. C'est fou comme je t'aimais, je t'aimais. Je suis parvenu à la 46e rue. Nazareth sur l'acier des poutres nues. Arrête de bouger, de changer, je suis perdu. Je veux retrouver les grains de macadam de cette île. La fumée sous mes pieds, l'équilibre fragile. Pas fou, c'est pas lui qui a changé le rendez-vous. Je t'aimais, c'est